Famille heureuse. Famille heureuse, l'émission de conseils, d'amour et de bonheur pour le bien-être familial. Conception et présentation, Charlemagne Saubia. Bienvenue à l'émission Famille Heureuse. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour une demi-heure d'enseignement sur la vie conjugale. Notre souci, c'est de vous aider à avoir une vie conjugale harmonieuse. Nous avons à la partie technique, comme d'habitude, notre frère Emmanuel Boubitang. Avant d'aborder l'enseignement du jour, nous vous proposons une plage musicale et que Dieu vous bénisse. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je Jeanne se sont connus à l'université. Ils étaient tous les deux étudiants en médecine. Ils allaient tous les deux étudier les soirs à la salle d'études de la résidence. Leur amour commun pour les études les a rapprochés. Une amitié va naître entre les deux et petit à petit, ils sont devenus inséparables. Pour aller à la salle d'études, Pierre allait chaque fois chercher Jeanne dans sa chambre de cité universitaire. Ils marchaient ensemble pour aller étudier et revenaient ensemble. Ils allaient au cours ensemble. Donc, chaque jour, ils sont de plus en plus intimes. À la fin de leur formation, un soir, Pierre a demandé à Jeanne si elle accepterait d'être son épouse. Elle n'attendait que ça depuis quelques années. Chaque jour, elle se disait « Mais quand est-ce qu'il va me dire la vraie phrase ?» Et donc, elle était toute heureuse ce jour-là. Vous imaginez, elle a accepté tout de suite la proposition de son ami. 3 mois plus tard, ils ont célébré leur union en se mariant à la mairie. Ensuite, ils sont partis à l'église pour la bénédiction nuptiale. Cela fait 30 ans déjà, et pourtant, ils sont ensemble, ils sont de très bons amis, ils ont de grands enfants, certains même se sont mariés et le plus jeune est encore à l'université. C'est toujours bon de voir de tels couples. Le mariage est une institution de Dieu. La Bible dit dans Genèse 2:18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a fini de crier Adam, il trouvait que Adam n'était pas épanoui. Chaque fois quand il criait des choses, il disait chaque fois « Il est bon. » Mais Adam, il a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et il va créer donc Ève. Il va unir les deux dans une relation très, très profonde qui est le mariage. Et dans Genèse 2, au verset 24, la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'épanouissement de l'homme. Il a institué le mariage, si je reviens au cas d'Adam et Ève, pour que Adam puisse s'épanouir, parce qu'il n'était pas tout à fait heureux, voyez-vous. Donc, nous pouvons dire que le mariage est fait pour l'épanouissement de l'homme. Dieu a institué le mariage pour que l'homme puisse davantage s'épanouir. Malheureusement, les couples comme Pierre et Jean ne sont plus nombreux aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai voyagé avec un couple. Rien qu'à les voir discuter, on sentait qu'ils étaient heureux. Nous avions eu à passer 4 heures de temps, à peu près, de temps en escale dans un aéroport, mais ils étaient ensemble, ils parlaient, ils riaient, ils souriaient. C'était la complicité et ça donnait envie de se marier. En tout cas, de loin, je peux dire qu'ils étaient heureux. Je ne connais pas les détails de leur vie de couple puisque je ne suis pas ami intime au couple. Mais je pense à les regarder, je pouvais lire l'épanouissement sur leur visage. Malheureusement, ce genre de couple heureux qui donne envie de se marier ne sont plus nombreux. En regardant autour de nous, dans la société, dans le village, à l'église, au travail, etc., mais on voit très peu de couples heureux. Dans de nombreux cas, il y a un manque d'harmonie totale. C'est le cafouillage, si je puisse le dire. C'est le manque de communication totale. Pas de complicité. Chacun vit avec ses problèmes. Chacun est là, il se débrouille. Et finalement, la vie de couple se limite dans certains cas à quelques rapports sexuels de temps en temps. Non, ce n'est pas ça le mariage. Et le disant, ça me fait penser à cette dame qui toute la nuit gémissait à côté de son mari. Elle avait des problèmes de diarrhée, elle gémissait, elle souffrait. Mais son mari, je ne sais pas, en tout cas, il était indifférent. C'est impossible. Que votre femme soit à côté de vous toute la nuit, qu'elle gémisse, que vous ne lui posez même pas la question, que vous ne cherchez pas à savoir de quoi elle souffre, ne serait-ce que de quoi elle souffre. Non. Malheureusement, toute la nuit, cet homme n'a pas cherché à savoir de quoi souffrait sa femme. Et nombreux sont ces couples qui sont ici, où chacun vit avec ses problèmes, comme je le disais. C'est dommage. Alors, la question c'est quelles sont les raisons de ce désastre au niveau des couples? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de couples qui souffrent? Tant de couples où c'est vraiment la catastrophe? Il arrive des fois où la femme souhaite sa mort pour mettre fin à ce mariage ou souhaite la mort de son mari ou vice versa. C'est-à-dire, il arrive des fois où il y a tellement de problèmes que l'homme ne souhaite que sa mort ou la mort de sa femme pour mettre fin à toute cette histoire. Ce n'est pas normal. Alors, une fois de plus, pourquoi tout ce désastre aujourd'hui? Il y a beaucoup de raisons. Nous allons peut-être citer quelques-unes, voire quelques-unes. Je pense que l'une des raisons aujourd'hui, c'est les mutations qu'il y a au niveau de nos sociétés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon papa, chaque midi, rentrait du travail. Toute la famille pouvait partager le repas ensemble. Bon, c'est vrai, les enfants se retrouvaient ensemble, ils mangeaient. Le papa, seul, il mangeait dans son coin. Mais on pouvait, chaque midi, tous se retrouver à la maison. Et les moments de repas étaient des moments de communion, des moments de détente où on pouvait échanger les informations, partager un certain nombre d'histoires ensemble. Aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir ce privilège. Papa et maman mangent séparément au bureau parce que les lieux de service sont très éloignés de la maison. Les problèmes de transport, c'est pas très facile. Donc, papa et maman, chacun mange de son côté. Les enfants aussi mangent à l'école, à la cantine. Tout ceci, comme je le disais, à cause de la distance qui sépare le lieu de travail de la maison. Et même des fois, dans certaines familles, le soir, ce n'est pas évident de pouvoir regrouper toute la famille autour d'un repas, malheureusement. Et des fois, on est obligé de s'imposer une certaine discipline pour pouvoir atteindre cet objectif. Or, ça ne devait pas être le cas. Facilement, on devait pouvoir se retrouver, à défaut de manger ensemble midi et soir, on devrait facilement se retrouver ensemble le soir autour d'un repas pour communier. Comme facteur aussi, nous pouvons parler du coût de la vie qui est de plus en plus cher. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les choses sont excessivement chères. Dans un monde de consommation, le prix de l'essence multiplié par 2 en moins de 10 ans. Au même moment, les salaires sont restés les mêmes, le salaire n'a pas changé. Mais le prix de l'essence a multiplié par 2 et tout ce qui suit, le transport, ceci ou cela. Dans le temps, par exemple, on pouvait acheter des appareils électroménagers à moindre coût et on pouvait les garder, les utiliser pendant plusieurs années. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un appareil, oh, ça ne dure pas quelques années. Ça se gâte et vous êtes obligé encore d'acheter. Donc non seulement les choses sont de plus en plus chères, mais ça ne dure plus. Et tout ceci joue sur le budget familial et ça pose des difficultés. C'est pas si facile. Comme problème aussi, nous pouvons parler du monde de plus en plus matérialiste dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens vous respectent malheureusement en fonction de votre compte en banque. Et c'est plus grave. On fait le choix du partenaire en fonction de son rang social et en fonction de son compte en banque. Il est de plus en plus rare aujourd'hui de voir, par exemple, un ingénieur se marier à une serveuse ou à une femme balayeuse de rue, malheureusement. Et aujourd'hui, la règle, c'est ce sont les oiseaux de même nature qui vont ensemble. Je ne pense pas que cela soit juste, mais c'est ce que nous voyons autour de nous. Et je pense que tout ceci constitue des obstacles à l'épanouissement de la vie conjugale. Parce que les choix, déjà, sont des choix biaisés. On ne choisit pas par amour, mais on choisit en fonction des intérêts, en fonction du rang social. Autre problème aussi, autre raison, nous pouvons parler d'un monde de plus en plus individualiste. Les statistiques montrent que les villes développées ont le taux de divorce le plus élevé. Autrement, plus la ville est entre guillemets développée et plus le taux de divorce est élevé. Le taux de divorce, par exemple, à Paris est plus élevé qu'en province. Le taux de divorce en France est plus élevé que la plupart des villes africaines. Donc, plus la ville ou le pays est développé, entre guillemets, plus le taux de divorce est élevé, parce que le développement, entre guillemets, pousse les uns les autres plus à l'individualiste. Les uns les autres peuvent nager dans la capitale sans qu'on sache ce qu'ils font. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis bon, on ne sait pas qui fait quoi. Et tout ceci engendre des problèmes conjugaux et qui occasionnent les divorces. Il y a aussi comme cause la disparition des valeurs morales. C'est aujourd'hui une des causes de divorce. Il y a quelques décennies de cela, la parole donnée était sacrée. Lorsque vous donnez votre parole, vous devez la respecter. C'est sacré. C'est une valeur. La vérité, l'honneur, c'était important. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'infidélité aujourd'hui. Les gens, autrefois, étaient plus hospitaliers, plus naturels et plus humains. Et les problèmes du couple à l'époque, il y a de cela quelques années, étaient ceux de toute la société. Il y avait toujours une tante ou un oncle toujours prêt à aider le couple à trouver des solutions, toujours prêt à encourager, à soutenir le couple en crise. Tout ça, ça aide. Je me rappelle cette dame en France qui avait des problèmes avec son mari. Elle a appelé sa belle-mère pour lui expliquer donc les difficultés auxquelles elle est confrontée dans son foyer. Elle lui dit combien de fois le fils de la dame se comporte mal. Et elle s'attendait à ce que sa belle-mère puisse intervenir, essayer de trouver des solutions, donner des conseils. Mais à sa grande surprise, sa belle-mère lui a dit « C'est votre vie privée, je ne veux pas me mêler de cela. » Voyez-vous, on est de plus en plus dans un monde où les valeurs morales sont écroulées. Un mariage heureux influence positivement votre longévité. Autrement, lorsque vous êtes dans un couple et c'est des problèmes à ne pas finir, chaque jour des problèmes, ça nuit à votre vie professionnelle et ça joue négativement sur votre santé. Je me rappelle cette dame qui, elle ne peut pas faire un mois sans être hospitalisée pendant une semaine à l'hôpital parce que tout le temps c'est des stress, elle est obligée de prendre des médicaments sur médicaments pour dormir, parce qu'elle a des insomnies, parce que ça ne va pas à la maison. Quand elle arrive au travail, elle a le visage défiguré, etc. Une vie conjugale harmonieuse vous aide à avoir un rendement nettement supérieur au travail, à jouir d'une bonne santé. Le contraire, une vie conjugale désastreuse vous crée des problèmes d'insomnie, vous donne des stress, des maladies à ne pas finir. Que faire alors pour avoir un mariage heureux si le mariage est si important et apporte un plus à la santé de l'individu, à sa vie professionnelle, etc. Le mariage même est très important pour la société parce que qui parle de mariage parle de la famille. Et la famille est la cellule nucléaire de la société. Donc de bonnes familles donnent une société harmonieuse. Alors que faire pour avoir un bon mariage? Oui, il y en a qui ont tellement de difficultés, qui ne voient que des problèmes autour d'eux et qui sont pessimistes, au point où les gens disent « ben le mariage, c'est la corde au cou ». Non, chère sœur, cher frère, le mariage, c'est pas la corde au cou. Le mariage, c'est pour notre épanouissement. Il y a une solution. Quelques-uns arrivent à avoir une vie de couple harmonieuse. Je vous avais parlé de certains couples tout à l'heure. Donc, la chose est possible. Lorsqu'on demande au vieux Bakary qui a 50 ans de vie conjugale son secret, il dit « lorsque vous avez une femme qui sait vous nourrir le jour comme la nuit, mais tout va bien ». Quand on pose la même question à sa femme, elle dit « lorsque votre mari vous comble chaque jour de cadeaux, mais tout marche bien ». Non, je ne pense pas que la chose soit si simple que ça. Je sais que chacun de vous a sa petite idée de la chose. Si je pourrais interroger chacun de vous, ben chacun de vous donnera une petite recette magique qui peut être juste, mais qui peut ne pas aussi être juste. Lorsque votre voiture est en panne, vous n'amenez pas cela chez le maçon, mais plutôt chez le concessionnaire. Je pense que si nous voulons trouver une solution, il nous faut consulter donc le constructeur, c'est-à-dire l'initiateur du mariage qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, poser la question à Jésus et lui demander de nous montrer le chemin qu'il faut emprunter pour une vie conjugale harmonieuse. Et comme Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie, il saura nous montrer le chemin qu'il faut. Pour être médecin, nous suivons une formation, de même pour être un bon mécanicien ou chauffeur, etc. Comme je le disais, l'une des choses les plus importantes de la vie est le mariage. Et on ne peut y entrer sans une formation adéquate. Alors, dans le but de vous aider à relever ce défi, nous vous proposerons des solutions au travers donc, de cette émission. Nous souhaiterions vous équiper pour vous aider à vivre une vie conjugale harmonieuse. Au fur et à mesure des thèmes que nous allons développer, nous expliquerons le sens de chaque lettre du mot « mariage ». Donc, tout au long de cette série d'émissions, nous parlerons du mot mariage, le sens de chaque lettre du mot mariage. Et c'est lorsqu'on comprend le sens de chaque lettre du mot mariage et on arrive à traduire dans les actes-là, cela nous donne une bonne vie conjugale harmonieuse. Alors, je vous conseille de ne pas rater ces émissions, de suivre chacune de ces émissions. Le mot mariage s'écrit de quelle manière? Vous avez la lettre M, ensuite la lettre A, ensuite la lettre R, I, A, G, E. Et donc, nous allons vous expliquer le sens de chacune de ces lettres petit à petit. Mais rapidement, nous allons vous faire un résumé aujourd'hui. La lettre M, c'est la maturité. Oui, c'est la première lettre du mot mariage, maturité. Un mineur, selon la loi, ne se marie pas. Pour que l'officier d'état civil célèbre le mariage, il faut que le jeune homme soit mature. Dans le droit ivoirien, par exemple, le jeune homme doit avoir au moins 21 ans. Donc, le mariage n'est pas une affaire d'enfant. La même règle s'applique dans nos coutumes. Chez certains peuples en Afrique, le jeune homme, pour se marier à la jeune fille, doit accomplir un acte de bravoure, par exemple, aller voler la jeune fille la nuit, l'enlever hors du village ou tuer un animal féroce, une manière de prouver à toute la société, au village, qu'il est capable, qu'il est mûr et qu'il peut protéger donc sa future épouse, qu'il est capable d'assumer des responsabilités. Donc c'est une manière de prouver qu'on est responsable, qu'on est mature. Je voudrais aussi ouvrir rapidement une parenthèse pour dire que l'âge ne détermine pas toujours la maturité. Je dis bien, l'âge ne détermine pas toujours la maturité. D'où de nombreux conflits, problèmes dans les couples. Parce que juridiquement, vous pouvez avoir la maturité 21 ans ou plus, vous marier, mais sans être mature. Or, pour qu'on parle de mariage, le commencement du mariage, c'est la maturité. Parce que si vous n'êtes pas mature, vous ne pouvez même pas vous marier. Donc, il y a des mariages que nous avons dans les faits, puisque on a célébré le mariage, mais en réalité, il n'y a pas de mariage parce que l'un des deux conjoints n'est pas encore mature. Il y a la maturité physique, la maturité émotionnelle, morale, spirituelle, etc. Et pour pouvoir s'épanouir, pour avoir un couple harmonieux, il est important donc d'avoir cette maturité dans tous ces domaines. Autrement, lorsque dans un domaine, vous manquez de maturité, cela affecte dangereusement votre vie de couple. Nous parlerons en long et en large de la maturité et ses conséquences sur la vie du couple avec le temps dans les émissions à venir. Nous parlerons donc de la maturité sous toutes ses formes. Mais la maturité seule ne suffit pas pour une vie conjugale harmonieuse. Il y a un autre élément qui suit, qui est la lettre A. Donc pour écrire mariage, je commence par écrire M. C'est le commencement. Mais après, il y a une autre lettre qui suit, qui est A, qui est l'amour. A comme amour. L'amour est le fondement du mariage, de la vie. Et il faut être mature pour pouvoir aimer, je dirais, de manière responsable, de manière profonde. Celui qui n'est pas mature aura des difficultés pour véritablement aimer. C'est pour ça qu'il faut la lettre M. Et la lettre M aussi, vous êtes dans le choix de votre conjoint selon que vous soyez mature ou pas. Et cela influence votre choix. La deuxième lettre, c'est A, l'amour. En principe, deux personnes qui se marient, je vais parler d'un homme et une femme, doivent s'aimer. Pour véritablement s'aimer, comme je l'ai dit, il faut vraiment de la maturité. La maturité, oui, permet d'aimer de manière profonde, sincère, responsable. Ce que nous appelons généralement amour ne l'est pas. Un amour qui fuit les difficultés n'est pas l'amour. Un amour, des fois même, les gens disent que lorsque les difficultés entrent par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Non, c'est lorsqu'il n'y a pas l'amour véritable, lorsqu'il n'y a pas aussi la maturité. Sinon, l'amour ne doit pas sortir par la fenêtre parce que les difficultés sont là. Un amour qui aime sous condition n'est pas de l'amour. Un amour qui ne dit pas plus que l'incendie de paille n'est pas l'amour. Nous parlerons en long et en large, le moment venu, de l'amour, expliquer ce que c'est que l'amour et comment cela peut contribuer véritablement à l'épanouissement de la vie conjugale. Après donc la lettre A, nous passons à une autre lettre qui est R. Je vous laisse deviner ce que c'est que R. Or, certainement, vous n'avez pas trouvé. R ici, c'est la résolution des conflits. Oui, la maturité est importante. L'amour, c'est important. Mais tout ceci, les deux ensemble, permettent la résolution des conflits ou le fait qu'il y ait l'amour ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Il n'y a pas de relations humaines. Quelle que soit la profondeur de l'amour qu'il y a au niveau de ces relations, il y aura de temps en temps des conflits. Comme on dit, les dents et la langue, ça arrive que ça se chamaille. Donc, il y aura des conflits à coup sûr dans le couple. La maturité et l'amour vous aident à résoudre les conflits, de telle sorte que votre couple puisse durer, votre couple puisse résister aux tempêtes. C'est la troisième lettre du mot mariage. Je dirais le M, le A, le R, ça fait trois, peut-être la Trinité. Et peut-être, si on regarde de près, on dirait que les trois lettres se valent. En tout cas, elles sont toutes très, très importantes. Oui, il n'y a pas de relation profonde sans conflit. Pas de relation conjugale sans conflit par moment. Le couple donc qui dure, qui s'épanouit, est le couple qui apprend à résoudre ses conflits. De nos jours, on voit des couples qui se séparent, je dirais, pour des choses sans importance, simplement parce qu'il n'y a pas la maturité. Il y avait un couple qui était dans une voiture Peugeot 205. Ils ont vu une autre voiture 205 passer, et la femme dit, mais la voiture 205 qui vient de passer, elle est un peu plus longue que la nôtre. Le mari dit, non, c'est la même chose. Et une discussion s'est engagée entre les deux, et finalement, c'est devenu des problèmes, c'est devenu un conflit, et vous savez que ce petit problème, je dirais, a amené ce couple au divorce. C'est comme aussi, on parle de ce couple, ils étaient assis au salon et puis ils ont vu une souris passer. Et l'un dit, c'est la souris, elle est noire, l'autre dit non, elle est, c'est bleue. Et ce petit problème de souris bleue ou noire, finalement, a créé un grand problème. Et finalement, ça a été le divorce. Simplement parce qu'il n'y a pas la maturité, simplement parce qu'on n'a pas appris à résoudre ces conflits. Or, c'est important de savoir résoudre ces conflits pour que le couple dure. Je veux dire aussi par là qu'il y a des couples qui durent, mais sans qu'il y ait la qualité, parce qu'ils n'ont pas appris à résoudre leurs conflits. Bon, pour certaines raisons, pour certains intérêts, ils sont toujours ensemble, mais il n'y a pas vraiment l'harmonie. Pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait l'épanouissement, il est important d'apprendre à résoudre les conflits. Comment est-ce que vous réglez vos conflits dans votre couple? Le moment venu, nous allons vous donner les recettes qu'il faut pour résoudre correctement les conflits, de manière à entrer dans l'intimité qui est la lettre suivante. Oui, le temps que nous avons pour aujourd'hui, le temps est fini. Nous allons nous arrêter là. Et la fois prochaine, nous allons continuer toujours à vous donner rapidement le contenu de chacune des lettres du mot mariage. Et après, décortiquer en profondeur chacune des lettres. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Famille heureuse. Téléphone 225 07 66 04 80 ou 225 05 31 21 83 ou 225 07 64 35 19 ou 225 02 64 18 39. Adresse email sobia sobia 611@yahoo.fr. Famille heureuse. Famille heureuse, l'émission de conseils, d'amour et de bonheur pour le bien-être familial. Conception et présentation, Charlemagne Saubien.